Zéro heure. Bon, comme promis. Je sais pas si je te l'ai promis, mais je le fais quand même. Bon, c'est ça, ça me rappelle une chanson de Patrick Bruel, quoi. Non, je rigole. Du coup, on est dans le bus. Là, on vient de partir de la gare de Briançon. En fait, on est un peu moins nombreux que prévu parce que des personnes arrivaient en train et allaient à des horaires de train. Il y a un décalage, du coup, les autres personnes nous rejoignent directement à Névache. Voilà, ce sera un peu moins éco-responsable, mais c'est déjà ça, le temps est revenu au bout. Et le chauffeur vient nous dire qu'à Névache, il y avait beaucoup, beaucoup de neige. Voilà, on va se régaler. Ciao. Enregistrement d'un audio 3. Terminer l'enregistrement. 0 heure. Voilà. C'est parti. Bon, voilà, on commence à marcher. Il est 16h, je pense. Il est quelle heure? C'est pas la peine d'amener des gens avec toi. Hein. Il est 16h. Il neigeote un peu, il fait un peu moins beau qu'à Briançon. Un peu de vent. 4h-10. Ah, 15h50. Voilà, et puis on est donc, le groupe s'est complété, on est 6 du coup. Enregistrement d'un audio 3 fois. Terminé l'enregistrement. Donc comme je vous l'ai dit, on a fait les 6 km les plus faciles, donc on arrive à fond couverte et on va attaquer la montée vers le Ricou. Et du coup, on a un questionnement sur la durée qui est annoncée sur un panneau. Donc Gigi vient d'aller voir le panneau. Bon, ça raconte quoi, Gigi? Là, tout le monde se ravitaille un petit peu pour prendre un petit peu d'efforts pour la montée, quoi. Voilà, il y en a qui ont mis la règle. Bon, Gigi, il voit que d'un œil, hein, Gilbert. Tu dis quoi? Mais il voit rien, quoi. Il a qu'un œil. Ouvre le banc! Eh bien voilà. L'information, Jack, c'est qu'il n'y a pas du tout. Donc depuis le début de. Ah! Donc c'est mon Riri qui avait raison. Allez, ça marche. Voilà. Et en forme et sans avoir passé la nuit dans le train. Allez, allez, ciao, ciao. Bon, moi j'aime beaucoup les marches à la lune pour une seule raison. C'est les commentaires des gens qui sont avec moi. Alors il y a Léa qui m'a fait un petit commentaire. Celui où ça fait des... Ce que tu viens de me dire là. Eh bien sur la montagne d'en face, quand on regarde, ça fait comme des petits reflets rouges, là où je pensais que ça allait être tout blanc. Voilà. Et en fait, on est en... c'est nuit noire là en fait, c'est juste la lumière de la lune. Et on n'a pas besoin de frontale pour monter du coup. Ouais, c'est vrai. Voilà, on est arrivé au refuge Ricou. Tout le monde dit que c'est splendide. Alors je veux bien les croire. En fait, c'est tout dégagé, le ciel est pas clair, mais ça fait une impression assez surréaliste. Et il y en a même qui font des photos parce que la lune fait même des ombres portées avec les arbres et les chalets. Voilà. C'est magnifique. Trop content d'être là. Voilà, là on est dans le moment du repas. Mais je sais pas si tu vas m'entendre, c'est le refuge est plein comme un œuf. Voilà. Voilà. Donc on mange, j'imagine, soupe au potiron, au potimarron et aux lentilles. Et là on attaque le plat chaud. Juste au-dessus. Tu lèves la tête, allez. Tu lèves la tête. Voilà. Là donc du coup on est sorti sur le devant du refuge. Non. Attends, il fait un vocal. Non mais c'est bon, vous pouvez parler. Vas-y, parle, Sylvie. Non, est-ce qu'elle est oui, là? Oui, elle est juste là. Hop, juste au-dessus, là. Okay. Donc, Sylvie, il voit encore un tout petit peu, elle arrive peut-être à deviner la lune. Ouais, je la bobine. Voilà, tu vois. Et puis, il ne fait pas bien chaud, le gars. La grande ours, non? Parce que le ciel, du coup, il a l'air relativement dégagé. Non, on voit même quelques avions. Et la grande ours, vous parlez, non? Bah, je vois un morceau, là. Oui, je ne sais pas si c'est la grande ours ou pas, mais je vois un morceau. Parce qu'il y a Gigi le gros ours, mais... Allez, va, c'était super en tout cas. Bon, mais on est déjà au lit. Parce que dans les refuges, c'est pas la soirée bambou là. Hein. 19h, il faut bouffer. 20h30, il faut dire ce qu'on mange au petit déjeuner. Bon, on est allé voir quand même un peu la lune. Et là, on est dans une chambre. 3 personnes. 2 lits collés côte à côte et un lit au fond à nos pieds. Je crois qu'on va parler d'un. Mais j'ai pas touché, j'ai pas été voir une sorte de hublot pour voir dehors. On est vraiment sur les sous-pentes. Si allongé, si j'ai de la main, je touche le plafond. Et puis il fait pas très très chaud, mais on a des bonnes couettes. Allez, je te souhaite une bonne nuit. Ciao. Voilà, donc on est le matin, il est 9h à peu près. On a bien dormi, on a bien déjeuné. Et là, je sais pas si tu entends, tu vas écouter le bruit du grincement de la neige. Et quand tu entends ce bruit, c'est que la neige est toute fraîche et que c'est une super journée qui s'annonce. Allez, bisous. Voilà, donc il est un peu plus de midi, on est arrivé au petit chalet refuge qui s'appelle La Fruitière, et on va manger une bonne omelette. Alors d'où vient le nom La Fruitière? En fait, c'est pas un endroit où il y a des fruits, c'était il y a une centaine d'années, c'était un endroit où on faisait affiner le fromage. Voilà. Donc il y a un poêle juste à ma gauche où je sens la chaleur de folie, et puis on est tout bien. Voilà, 15h30, ça fait 24 heures qu'on est dans la vallée de la Clarée, on reprend le bus pour Briançon. Voilà. À plus.